السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد. Bienvenue à vous tous et à vous toutes, auditeurs et auditrices qui nous suivez sur cette chaîne qui est gérée par le Merkez de l'Imam Al-Shafi'i, qui est dirigée par la noble Cheikh Abu Al-Harith Ahmed ibn Suleyman Badoukhoun Hafidhahullah Ta'ala wa Ra'ahu. Et donc nous sommes toujours dans la traduction des explications de notre noble cher concernant les explications qu'il a prodiguées dans l'explication et la clarification des sens de l'épître, les conditions de la prière, ses piliers et ses obligations. Et cette noble épître fut écrite par le cher Mohammed ibn Abdel Wahhab Rahimahullah Tamimi. Qu'Allah lui fasse miséricorde. Donc jusqu'à présent, nous avons étudié, nous avions mentionné les 10 conditions des ablutions, les 6 obligations des ablutions et les 8 annulations des ablutions. Nous avions mentionné ceci dans le cadre de la clarification de la 4e condition de la prière. Nous avions vu que la prière avait 9 conditions. L'islam, le fait d'être musulman. Deuxième, le fait d'avoir al-aql, le fait d'avoir la raison, de ne pas être fou ou de ne pas avoir perdu la raison par une cause tierce, avoir atteint l'âge de discernement, at-tamyiz. Ensuite, raf'u al-hadath. Nous avons vu que la 4e condition de validité de la prière était raf'u al-hadath, le fait d'enlever l'état d'impureté. Et dans le cadre de la clarification de ce 4e élément, de cette 4e condition de la prière, nous avions vu al-wudu. Nous avions vu donc al-wudu. Et nous avions mentionné qu'il avait 10 conditions. Les 10 conditions de validité du wudu sont les suivantes. Al-Islam, le fait d'être musulman, d'avoir al-aql, d'avoir la raison, d'avoir at-tamyiz, d'avoir atteint l'âge de discernement, le fait d'accomplir le wudu en ayant une niya, une intention, qui est émise au préalable et qui est maintenue et qui n'est pas rompue en cours de route, durant l'accomplissement de ce wudu. Ensuite, le fait de cesser, la 5e condition de validité du wudu était le fait de faire cesser tout ce qui annule le wudu avant de commencer le wudu. Ensuite, si on a déféqué ou uriné, le fait de purifier les orifices par l'usage de l'eau ou l'usage de quelque chose de sec. 7e élément, le fait d'utiliser de l'eau qui est pure. 8e élément, le fait d'utiliser de l'eau qui est licite. 9e élément, le fait d'enlever tout obstacle empêchant l'eau de parvenir à la peau. 10e élément, le fait que l'heure de la prière doit être rentrée dans son heure, et ceci est une condition pour la validité du wudu de celui qui est atteint d'une maladie, l'empêchant de pouvoir garder ses ablutions le temps d'une prière. Donc ce sont les 10 éléments qui sont des conditions de validité du wudu selon Cheikh Mohammed ibn Abdel Wahhab rahimahullah. Et c'est le mashhour fil madhab, dans le madhab hanbali. Ensuite, concernant furud al-wudu, nous avons vu qu'il y avait 6 éléments obligatoires au wudu. Le fait de laver le visage faisait partie de cela, al-madmada wa al-istinshaq, le fait de laver la cavité buccale et de laver les cavités nasales, les narines. Deuxième élément, le fait de laver les deux mains jusqu'aux coudes. Troisième élément, le fait d'essuyer la tête, et ceci comprenait les oreilles. Et quatrième élément, le fait de laver les deux pieds jusqu'aux chevilles, comprenant donc les chevilles. Et cinquième élément, at-tartib. Sixième élément, donc le cinquième étant l'ordre. Et le sixième élément était la succession, c'est-à-dire le fait de ne pas avoir de grandes interruptions lorsqu'on a accompli le wudu. Et le cheikh avait apporté un autre élément obligatoire supplémentaire, le jugement du fait de dire bismillah au début du wudu. Et nous avions vu son jugement dans le cours précédent. Qui est qu'à sahih, c'est que c'est mustahab. Ensuite, nous avions vu dans l'assise d'hier les 8 annulations de wudu. La première que Cheikh l'Islam Mohammed Abdullah avait mentionné, c'est Al-Kharij min Sabilay, c'est-à-dire donc tout ce qui sort des deux orifices. Deuxième élément, c'est la substance impure qui sort de l'organisme, mais par autre que les deux orifices. Troisièmement, le fait de toucher ses parties intimes, que ce soit celle de devant ou pas celle qui est au niveau du derrière. Et également, le quatrième élément, le fait de toucher une femme avec un désir. Cinquième élément, le fait de perdre la raison. Sixième élément, le fait de manger de la chair de chameau. Septième élément, le fait de laver le mort. Et huitième élément, l'apostasie de l'islam, qu'Allah m'en préserve ainsi que vous. Et donc, nous revenons après la clarification des jugements relatifs au wudu, nous revenons aux conditions de la prière. Nous avions vu la première, l'islam, le fait d'être musulman. Nous avions vu le deuxième élément, l'aql, le fait d'être doué de raison. Nous avions vu le troisième élément, qui est le fait que la prière n'est valide que si l'enfant a atteint at-tamyiz, l'âge de discernement. Et ensuite, nous avions vu le quatrième, al-raf'u'l-hadath, le fait d'enlever l'état d'impureté. Et là, nous avions abordé le détail concernant les ablutions. Nous allons aborder donc aujourd'hui la cinquième condition de la prière, la cinquième condition de validité de la prière. Et donc la cinquième est izalatun najasa. Izalatun najasa. C'est-à-dire le fait d'enlever la souillure. Et ceci se fait concernant trois choses. C'est-à-dire que l'on doit s'assurer d'avoir enlevé les souillures de notre corps, de notre vêtement et del buqa. Al-badan, ceci désigne le corps. Al-libas ou al-thawb, ceci va viser le vêtement que l'on porte, qui doit être dépourvu de toute souillure. Ensuite, le lieu de prière, al-buqa. Al-buqa étant un terme qui désigne le lieu de prière, c'est-à-dire le lieu dans lequel on s'apprête à accomplir la prière. Donc le corps, le vêtement et le lieu dans lequel on s'apprête à accomplir la prière doivent être purs. Et ceci est basé sur le verset du Coran al-Karim, dans lequel Allah subhanahu wa ta'ala dit, selon le sens en français, « Et quant à ton vêtement, purifie-le. » Donc le corps doit être pur, c'est-à-dire que dans le cas où le corps viendrait être entaché par une quelconque souillure, alors on purifie notre corps de cette souillure. Également pour le vêtement, il en est de même pour le vêtement. Si le corps, le vêtement, pardon, vient à être entaché par une souillure, alors on purifie ce vêtement avant de pouvoir accomplir la prière. Et également, si un lieu dans lequel on fait la prière est souillé et entaché par une souillure, alors on accomplit la purification de ce lieu afin de pouvoir y faire la prière convenablement. Et ceci est basé sur le hadith d'Anas ibn Malik, radiallahu anhu, dans lequel il rapporta qu'un bédouin vint dans la mosquée du messager d'Allah, sallallahu alayhi wa sallam, et se mit à uriner dans un coin de la mosquée. Et cet homme-là, suite à la miction, c'est-à-dire après avoir terminé d'uriner, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a ordonné que l'on fasse venir un seau d'eau, qu'on en vienne avec un seau d'eau. Et le contenu de ce seau d'eau fut déversé sur la partie de la mosquée qui fut entachée par l'urine, afin de purifier le sol de la mosquée. Et donc, izalatun najasa, le fait d'enlever les souillures, ceci est considéré comme une condition de la prière. Et ceci est l'avis qui est le mashhour, l'avis célèbre chez les Hanabila, chez les Hanbalites, et d'autres parmi les fuqaha. Cependant, d'autres ulémas ont considéré que izalatun najasa, le fait d'enlever les souillures, ceci est une obligation de la prière. Taïb, quelle est la différence? La condition, si elle est délaissée par oubli, la prière est invalide. Donc, si on considère que c'est une condition, selon l'avis célèbre chez les Hanabila, chez les Hanbalites, si on considère que c'est une condition, donc si la condition a été oubliée, elle a été délaissée par oubli, et que la prière a été accomplie dans cette circonstance-là, la personne doit refaire sa prière, car sa prière est invalide. Tandis que l'obligation, si elle est délaissée par oubli, la prière est valide. La prière est valide. Et il donne un exemple concernant le fait que si une personne oublie une condition, par exemple une personne qui prie sans wudu, sans ses ablutions, par oubli, c'est pas, il en y fait volontairement. Il fait la prière, mais sans les ablutions, parce qu'il a oublié qu'il ne les avait pas faites. Et donc, après la prière, il se rend compte qu'il a prié sans wudu, sans être en état de wudu. Le wudu fait partie des conditions de validité de la prière. Donc dans ce cas-là, qu'est-ce qu'il fait? Il la refait. Il n'est pas pécheur pour avoir prié sans wudu parce qu'il l'a fait par oubli. Mais cependant, il est quand même redevable de la prière, donc il doit la refaire. Non. Ensuite, ça c'est concernant le wudu, qui est une condition de la validité de la prière. Et concernant le fait de prier avec un vêtement souillé, si on prie avec un vêtement souillé par oubli et qu'on s'en rappelle après, alors si on considère que c'est une condition, alors ça voudrait dire qu'il doit purifier son vêtement, et doit la refaire. Ça, c'est si on prendrait l'avis comme quoi c'est bel et bien une condition. Mais si on considère que c'est une obligation, le fait d'enlever les souillures, alors si une personne prie avec un vêtement souillé par oubli et s'en rappelle après, alors sa prière est valide. Car la différence entre la condition et l'obligation, c'est que l'accomplissement de l'adoration qu'elle a priée en ayant oublié de respecter une condition est une invalidation de la prière. Donc on doit la refaire. Tandis que l'accomplissement d'une prière en ayant oublié de faire une obligation, c'est que ça a été fait, cet oubli, yani ce délaissement est fait suite à un oubli, de par un oubli, alors la prière reste valide. Ceci est la différence. Et donc, quel est l'avis correct concernant Izalatul Najasa? Est-ce que Izalatul Najasa, le fait d'enlever les souillures de notre corps, de notre vêtement et de notre lieu de prière, est-ce que ceci est une condition ou est-ce que ceci est une obligation? Le cheikh dit que la position correcte est que cela fait partie des obligations. Qu'est-ce qui prouve cela? Le fait que dans un hadith rapporté authentiquement du messager d'Allah, sallallahu alayhi wa sallam, il est rapporté qu'il a dirigé ses sahaba dans la prière en étant chaussé de sandales. Et donc les sahaba firent de même. Ils prièrent donc avec leurs sandales, chaussés de leurs sandales. Et le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, en cours de prière, retira ses sandales et les mit sur le côté. Et les sahaba se sont exécutés. C'est-à-dire qu'ils ont accompli cela eux aussi. Ils ont aussi enlevé leurs sandales et les ont mises sur le côté. De par la volonté de suivre le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Et suite à l'accomplissement de la prière, c'est-à-dire après avoir fini la prière, le prophète sallallahu alayhi wa sallam fut questionné par les sahaba. À un moment donné, ils discutèrent et donc ils en vinrent à lui demander concernant cela. C'est-à-dire que le prophète sallallahu alayhi wa sallam, initialement plutôt, leur a demandé pourquoi eux ont enlevé leurs sandales. Ils ont dit, nous avons enlevé nos sandales par rapport au fait que tu as enlevé tes sandales. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam leur a expliqué que pendant qu'il a prié, Jibril l'avait notifié, il avait informé du fait qu'il avait une souillure sur ses sandales. Donc il s'était donc déchaussé de ses sandales, alayhi salatu wasalam, et les avait mis sur le côté pour poursuivre sa prière, yani sans avoir apporté ses sandales qui étaient entachées d'une souillure. Et donc l'argument dans ce hadith, pour déterminer que le fait d'enlever les souillures du vêtement, du corps et du lieu de prière, comme quoi c'est bel et bien une obligation et non pas une condition, c'est que si c'était une condition de la prière du prophète sallallahu alayhi wa sallam aurait été annulée, il l'aurait refaite. Il l'aurait refaite, alayhi salatu wa sallam. Or, il s'est déchaussé de ses sandales et il a poursuivi sa prière. Ce qui prouve que donc la prière était valide, bien que la souillure a été portée pendant une partie de la prière. Mais la prière n'a pas été considérée comme étant invalide, ce qui prouve que Izalatul Najasa fait partie des obligations. Non. Ensuite, le cheikh a donné un point important, à savoir que la base concernant le corps, concernant le vêtement, concernant un lieu sur lequel on s'apprête à faire la prière, c'est qu'il est pur jusqu'à preuve du contraire. Et il mentionnait un vers de poésie, qui est un vers de poésie d'une poésie de l'imam As-Sa'di, qui est une poésie qu'on appelle Manḍūmat al-Qawāʾid al-Fiqhiyya, la poésie des règles de fiqh, dans laquelle il mentionna dans son vers de poésie que le shir mentionna, wal-aṣlu fī miyāhina al-taḥāra wal-arḍi wa-thiyābi wal-ḥijāra. C'est-à-dire que la base concernant nos eaux, c'est qu'elles sont pures, et ainsi qu'en est-il pour la terre et les vêtements, ainsi que les pieds. Et donc le shir a expliqué comment se concrétise cette règle. Donc cette règle-là s'applique de la manière suivante. Si une personne doute du caractère souillé d'un vêtement, c'est-à-dire qu'il y a un vêtement, et il se pose la question concernant si ce vêtement est souillé ou non, est-ce qu'il est entaché d'une souillure ou non. Alors là-bas, c'est qu'il est pur, jusqu'à preuve du contraire. De la même, si par exemple une personne est dans le désert, dans un endroit où il veut prier, etc., il veut prier sur le sol, à même le sol, et qu'il doute, yani concernant la pureté, c'est-à-dire il pense que peut-être le sol est souillé, etc., il n'est pas sûr, alors là-bas, c'est que jusqu'à preuve du contraire, ce sol est pur. Et de même pour une eau. C'est-à-dire que si par exemple il a une quantité d'eau devant lui et qu'il doute concernant le caractère souillé de cette eau, c'est-à-dire est-ce que cette eau est pure ou impure, là-bas c'est qu'elle est pure jusqu'à preuve du contraire. Et il agit avec ces situations de la manière qui fut décrite. Et donc c'est pur jusqu'à preuve du contraire. Jusqu'à ce que l'individu parvienne à la certitude comme quoi telle chose est souillée. Ou la quasi-certitude, ghalabat adh-dhan. C'est-à-dire une forte présomption, une quasi-certitude concernant le caractère souillé d'une chose. Là, dans ce cas-là, il se comporte d'une manière qui et sera différente. Donc, s'il est certain comme quoi telle chose est souillée, alors il s'en écarte. Ou s'il a la quasi-certitude, ou s'il est informé de par une tierce personne, c'est-à-dire quelqu'un de digne de confiance qui l'informe du caractère souillé d'un vêtement, d'une quantité d'eau ou d'un lieu, par exemple. Donc, là, dans cette circonstance-là, alors là, il interagit avec cette chose entachée ou souillée comme étant une chose souillée, et donc il s'en écarte et s'en prémunit. Et le cheikh a rappelé un point important, à savoir que il avait mentionné que la quantité infime de souillure, une quantité minime, infime de souillure, présente au niveau du corps, nous en sommes pardonnés. Il avait donné l'exemple de cela. Il avait donné l'exemple, par exemple, ce qui reste de souillure au niveau des orifices après l'istijmar. Nous avions fait la distinction entre l'istijmar et l'istinja. L'istinja, c'est la purification des orifices avec l'eau, qui enlève le corps de la souillure ainsi que les traces. Donc le corps de la souillure est enlevé par l'eau et également les traces au niveau des orifices. Mais nous avons un autre procédé de purification qui est légitime et qui est licite et qui est légiféré, c'est-à-dire l'istijmar, qui consiste à enlever et à se purifier des souillures au niveau des orifices par l'usage d'un objet sec. Il y en a de plusieurs objets secs à de multiples reprises. Et donc on sait que ce procédé-là est un procédé légitime et légiféré. Et c'est un procédé qui enlève le corps de la souillure, mais subsisteront toujours des traces au niveau des orifices. Et nous en sommes pardonnés. Également, il avait donné un autre exemple. C'est le cas, par exemple, lorsque l'on urine et qu'il y a des éclaboussures très légères. Des éclaboussures qui, si on les ressent au niveau de la peau et qu'on regarde notre peau, on ne les voit pas. On les a ressenties, ces très légères éclaboussures, suite à la projection urinaire. Et ces très légères éclaboussures ont été ressenties par la peau, donc on sait qu'on a été touché par quelque chose, mais lorsqu'on regarde à l'œil nu, on ne voit rien. Ces très très très légères éclaboussures, le cheikh a dit qu'on en est pardonné. Non. Ensuite, le cheikh aborda certaines circonstances, toujours dans le sujet de Izalatun Najasa, le fait d'enlever les souillures. Il donna un premier scénario. Si une personne prie avec un vêtement souillé, un vêtement entaché d'une souillure, et qu'il s'en rappelle ou il s'en rend compte pendant la prière. Si ce vêtement couvre sa nudité, c'est-à-dire qu'il ne peut pas l'enlever pendant la prière, car s'il enlève ce vêtement-là, donc vu qu'il couvre sa nudité, s'il l'enlève pendant sa prière, il dévoilerait sa nudité. Or, couvrir la awra, ça fait partie des conditions de validité de la prière, comme on va le voir par la suite. Donc, dans le cas où une personne prie avec un vêtement qui est souillé, et qu'il s'en rappelle, ou qu'il s'en rend compte, pendant la prière, et que ce vêtement-là couvre sa nudité, donc il ne peut pas le retirer pendant la prière, alors il quitte la prière, c'est-à-dire il délaisse la prière, purifie son vêtement, ou change de vêtement se vêtir d'un vêtement pur, et recommence la prière à zéro. Ceci est un premier scénario présenté par le cheikh. Le deuxième scénario dont le cheikh fit mention, c'est si une personne prie avec un vêtement souillé, et qu'il s'en rappelle, ou qu'il s'en rend compte pendant la prière, mais ce vêtement-là ne couvre pas sa nudité. Et il donna l'exemple, comme par exemple, si la souillure, il se rappelle qu'il a une souillure sur son turban, ou qu'il a une souillure sur ses sandales, comme dans le hadith. Donc ça, ça fait partie de ce qu'on porte, de ce dont on se vêtit, qui fait partie du vêtement, mais qui ne couvre pas la nudité. Donc dans ce cas-là, s'il se rappelle, ou il se rend compte qu'il porte un vêtement souillé, et que ce vêtement ne couvre pas sa nudité, et que donc il peut s'en débarrasser en prière, alors il enlève son turban ou il enlève ses sandales au milieu de la prière. Et il continue sa prière, et sa prière tout en entier, dans son entièreté, est valide. Troisième scénario, s'il prie avec un vêtement souillé, et qu'il s'en rappelle ou qu'il s'en rend compte, mais après, c'est-à-dire qu'il a fait toute la prière avec un vêtement entaché par une souillure. Mais pendant la prière, il ne s'en était pas rendu compte ou il l'avait oublié. Mais donc il s'en rend compte ou il s'en rappelle après l'accomplissement de la prière. La prière est valide et il n'y a pas à la refaire. Donc pour l'instant, pour récapitulatif, nous avons vu cinq conditions de validité de la prière. Le fait d'être musulman, le fait d'avoir la raison, le fait d'avoir atteint l'âge de discernement, le fait d'enlever l'état d'impureté et le fait d'enlever les souillures. Et nous avons vu que l'enlever la souillure, ça impliquait l'enlever la souillure du corps, du vêtement et du lieu de prière. Voyons donc la sixième condition. La sixième condition, c'est Satru Aura. Satru Aura, c'est le fait de couvrir sa nudité. Et donc, il est mentionné dans l'épître qu'il y a le consensus sur l'invalidité de la prière accomplie tout nu, alors que la personne a la capacité de se vêtir. Donc, il y a ijma, il y a unanimité, il y a un consensus entre les ulémas sur l'invalidité, donc le caractère non valide de la prière qui est accomplie par une personne qui l'accomplit nue, alors qu'il est en capacité de se vêtir. Et la aura, c'est-à-dire la nudité qui doit être couverte, c'est du nombril au genou. Et concernant la femme libre, alors la femme, son corps est tout en entier à couvert, tout en entier une aura, donc tout en entier doit être couvert de la femme, tout le corps de la femme doit être couvert dans la prière, exception faite de son visage. Ceci est l'avis chez les Hanabilas. Non. Et on verra par la suite les autres avis, Inch'Allah. Donc la preuve de cela, concernant le fait de couvrir sa aura, est le verset dans lequel Allah subhanahu wa ta'ala a dit, selon le sens en français, « Ô fils d'Adam, revêtissez votre parure à chaque prière. » Donc le consensus concernant l'invalidité de la prière de la personne qui prie nue, alors qu'il est en mesure de se vêtir, est basé sur ce verset. Donc il y a unanimité, et cette unanimité est basée sur ce verset du Coran. Il y a ijma, donc il n'y a pas de divergence entre les ulémas sur le fait que la personne qui prie nue alors qu'il peut se vêtir, sa prière est invalide. Mais le cheikh a expliqué ensuite que concernant la prière accomplie par une personne qui prie nue, mais il est excusé. C'est-à-dire que, par exemple, une personne qui est captive, il n'a pas de quoi se vêtir pour la prière, mais il est captif, il est emprisonné, il est incarcéré, par exemple. Et qu'il sait qu'il n'aura pas le temps de trouver un vêtement, il n'aura pas accès à des vêtements avant que la prière ne sorte de son âme. C'est-à-dire qu'il sait qu'il va passer tout le créneau horaire de cette prière tout nu et qu'il n'aura pas de vêtements avant la fin de l'heure de cette prière. Donc dans ce cas-là, il prie nu et il est excusé. Après, il y a une mas'ala que le cheikh a mentionnée. Dans le cas où une personne est confrontée à un dilemme, il a un vêtement et c'est son seul et unique vêtement avec lequel il peut se. Il peut prier et il ne peut pas le purifier. C'est-à-dire que ce vêtement-là n'est pas purifiable. Dans le sens, il est dans une situation où il a le choix entre prier tout nu ou prier avec un vêtement souillé. Donc il est dans un dilemme. Qu'est-ce qu'il fait? Est-ce qu'il prie tout nu afin de prier pur mais sans vêtement? Ou est-ce qu'il prie avec ce vêtement mais ce vêtement-là le couvre et cependant il est souillé? Le cheikh a dit, ce qui est le plus à même d'être accompli, c'est de prier habillé même avec un vêtement souillé si c'est le seul vêtement que l'on possède. Et que bien entendu, on ne peut pas le purifier. Ensuite, concernant ce qui doit être couvert de la nudité, c'est-à-dire qu'est-ce qui est la nudité qui est à couvrir? Le cheikh Mohammed Abdelhab a dit du nombril au genou. Du nombril au genou. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam dans un hadith a dit que les cuisses faisaient partie de la aura. C'est-à-dire que les cuisses faisaient partie de la nudité, donc de ce qui doit être caché par l'individu. Et donc, on se doit de couvrir nos cuisses. Donc, et nos cuisses se trouvent entre le nombril et le genou. Et est-ce que le nombril et le genou, c'est-à-dire les deux extrémités, est-ce qu'elles font partie de la nudité qui doit être couverte? Le djumhur des ulémas, c'est-à-dire la majorité des ulémas, voit que ce qui doit être couvert, c'est ce qui est entre le nombril et le genou. Donc, le nombril et le genou sont les extrémités de la aura, mais ne font pas partie de la aura, et ceci fait par l'avis émis et soutenu par le djumhur. Le djumhur des ulémas, la majorité des ulémas. Qu'on couvre donc la nudité à couvrir et ce qu'il y a entre le nombril et le genou, ne comprenant pas les extrémités. Ensuite, concernant le fait de couvrir ses épaules en prière, selon le Jumhur, donc il y a divergence entre les ulémas, mais le Jumhur des ulémas, la majorité des ulémas, voit que ceci est recommandé. Et il y a un autre avis qui dit que c'est obligatoire de couvrir ses épaules en prière. Et là, nous parlons pour les hommes, bien entendu. Et ça, c'est l'avis authentique, selon notre cheikh Abul Harith Ahmed Badoukhoun. Le fait qui a donné précédence et qui a considéré que l'avis prépondérant dans cette divergence entre les ulémas, c'est le fait que c'est une obligation de couvrir les épaules. Et il mentionna un hadith rapporté par Abu Huraira, dans lequel il est rapporté que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit que l'un d'entre vous ne prie pas revêtu d'un vêtement unique qui ne recouvre rien de ses épaules. Ensuite, il aborda une mas'ala concernant le jugement de dévoiler ses cuisses. C'est-à-dire pas en prière forcément, hors prière. Il ne parle pas du fait de découvrir ses cuisses en prière. En prière, ça doit être impérativement couvert. Mais concernant le fait de dévoiler ses cuisses en dehors de la prière, quel est son jugement? Sachant que ça fait partie de la aura et qu'il a été rapporté du prophète sallallahu alayhi wa sallam qu'il a découvert une partie de ses cuisses. Non, alayhi salatu wa sallam. Car il est rapporté du prophète alayhi salatu wa sallam qu'il était en compagnie d'Abu Bakr et de Omar et qu'il avait les pieds dans de l'eau. Il avait les pieds dans de l'eau, dans un puits. Et donc il avait retroussé son vêtement, sallallahu alayhi wa sallam, jusqu'à ce qu'une partie de sa cuisse était découverte. Et lorsque Othman ibn Affan est rentré, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a recouvert ses cuisses, c'est-à-dire qu'il a remis son vêtement sur ses cuisses, afin de les couvrir. Et lorsqu'il fut interrogé concernant son acte, pourquoi avoir fait cela vis-à-vis de Othman, il avait répondu, alayhi sallallahu alayhi wa sallam, ne ferais-je donc pas preuve de pudeur vis-à-vis de celui envers lequel les anges ont de la pudeur. Et donc, comment on comprend ce hadith? Le cheikh a expliqué que la aura implique de couvrir ses cuisses et comprend les cuisses. Cependant, c'est une aura dite mukhaffafa, une aura superficielle, une nudité superficielle. C'est-à-dire que c'est quelque chose qui est obligatoire de couvrir. Cependant, pour un besoin, on peut découvrir cette partie du corps. Pour un besoin. Comme le fait d'éviter que son vêtement soit mouillé. Donc, le cas du prophète sallallahu alayhi wa sallam dans ce hadith, il a été amené à retrousser son vêtement et donc à découvrir une partie de sa cuisse, de ses cuisses, alayhi salatu wa sallam, parce qu'il voulait éviter de mouiller son vêtement avec l'eau. Alayhi salatu wa sallam. C'est comme ça que le cheikh a expliqué ce hadith. Donc, ça, c'est une partie de la aura qui est dite mukhaffafa, une aura, une nudité superficielle. Et donc, on peut découvrir cette aura-là pour un besoin. Pour un besoin. Comme le fait que le prophète a découvert ses cuisses pour éviter qu'elles soient mouillées par l'eau, son vêtement soit mouillé par l'eau. Ou également, ça a été rapporté qu'une partie de ses cuisses a été découverte lorsqu'il était monté sur une monture, sallallahu alayhi wa sallam. Donc, c'était relatif à un besoin. Par contre, il y a une aura dite mughallaza. C'est une aura dont le dévoilement est grave. C'est-à-dire que le dévoilement ne doit pas avoir lieu. Et c'est l'aura, yani c'est la partie qui concerne les parties intimes, que ce soit par rapport à devant ou par derrière, par rapport à derrière. Donc ça, c'est l'aura al-mughallaza. C'est une aura, dont une nudité qui doit être impérativement couverte à tout moment et dont le dévoilement est grave. Bien entendu, note du traducteur, ce dévoilement n'est pas interdit en toute situation, parce que bien entendu, par exemple, lorsqu'on a un rapport avec son épouse, l'individu va être amené à se mettre tout nu, et l'épouse aussi. Non. Fin de parenthèse. Ensuite, concernant la femme en entier est une aura. Donc, c'est-à-dire, de par un hadith du prophète sallallahu alayhi wa sallam, dans lequel le prophète sallallahu alayhi wa sallam avait dit, la femme dans son entièreté est une aura. C'est-à-dire que tout de son corps doit être couvert. Et ça, c'est mentionné dans un hadith authentiquement rapporté de lui, alayhi salatu wa sallam. Et en prière, selon l'avis des Hanabila, l'avis des Hanbalites, tout son corps doit être couvert, à exception de sa face, en prière. Et les Shafi'iyya, donc les Shafi'ites, ont considéré qu'elle couvre tout son corps à l'exception de son visage et de ses mains. Et les Hanafiyya, les Hanafites, et c'est l'avis d'Ibn Taymiyyah de Cheikh Mohammed ibn Salih al-Uthaymeen, qui ont considéré qu'elle couvre tout son corps et qu'elle peut dévoiler pendant sa prière ses mains, ses pieds et son visage. Ensuite, le Cheikh Ahmed Badour al-Hafidhahullah aborda la septième condition de validité de la prière, à savoir dokhoul al-waqt, l'entrée de l'heure. Et donc, la prière a été déterminée comme étant prescrite, elle a été décrite comme étant une obligation à des heures spécifiques. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam a reçu l'ordre de la prière. Et Allah subhanahu wa ta'ala lui a ordonné l'accomplissement de la prière et Jibril est venu lui enseigner les horaires de prière. Et donc, durant une première journée, Jibril a dirigé le prophète sallallahu alayhi wa sallam en faisant les prières au début de leurs heures. Puis le lendemain, fit les mêmes prières et il dirigea le prophète sallallahu alayhi wa sallam dans ces dites prières à chaque fois. Mais ces prières dans le deuxième jour furent accomplies à la fin de leurs heures. Et suite à cela, Jibril lui expliqua, c'est-à-dire expliqua au prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, que la prière se trouvait entre ces deux, c'est-à-dire entre ces deux extrémités. Et il mentionna le verset dans le Coran al-Karim, le verset dont le sens approximatif est le suivant: la prière est certes une obligation prescrite aux croyants à accomplir en des temps déterminés. C'est-à-dire qu'elle a des temps bien spécifiques. Et il mentionne un autre verset du Coran al-Karim, dans lequel Allah subhanahu wa ta'ala a dit, selon la traduction approximative du sens du verset, et accomplit la prière suite au déclin du soleil et suite à l'arrivée des ténèbres et lors de la récitation, de la longue récitation qui survient à l'aube. Certes, cette récitation a des témoins. Donc, en vertu de ces textes, il n'est pas permis de prier la prière avant son heure. Et celui qui prierait sciemment, volontairement, une prière avant l'entrée de son heure, alors cette prière est invalide. De même, si une personne viendrait à procrastiner, c'est-à-dire à retarder l'accomplissement d'une prière jusqu'à ce qu'elle sorte de son heure, et il fait cela sciemment, sans excuse, sa prière est invalide. Et donc, s'il a une excuse, une légitimité à cela, alors dans ce cas-là, il est permis pour lui d'agir de la sorte. De par les différentes excuses, le cheikh a mentionné un exemple de cela, le regroupement pour le voyageur. C'est-à-dire qu'une personne peut être amenée à regrouper, à sortir une prière de son heure, de par un regroupement, en regroupant Dhuhr et avec la prière d'Al-Asr. Note du traducteur, on peut regrouper Dhuhr et Al-Asr dans l'ordre de Dhuhr ou l'ordre de Dhuhr et la prière de Dhuhr et Al-Asr dans l'ordre de Al-Asr. Fin de parenthèse. Et il mentionna également avec Maghrib al-Isha. Et la remarque est la même que pour Dhuhr al-Asr. C'est-à-dire, on peut faire Maghrib al-Isha dans l'ordre de Maghrib ou Maghrib al-Isha dans l'ordre de l'Isha. Et concernant le Fajr ne sort pas de son heure. Le Fajr n'est pas à sortir de son heure. Elle n'est pas une prière qui est regroupable avec une autre prière. Et donc, ce verset, le dernier verset que nous avons mentionné, comprend les cinq prières. C'est-à-dire, le sens du verset en français, et accomplit la prière suite au déclin du soleil. Donc, suite au déclin du soleil, cette partie du verset comprend deux prières. Car le déclin du soleil, ça survient après le zénith. Le zénith, c'est quand le soleil est au milieu du ciel. Suite au début du déclin, comme rentre la prière de Dhuhr. Donc, suite au déclin du soleil, cette partie du verset comprend la prière de Dhuhr et d'Asr. Ensuite, la suite du verset mentionne suite à la survenue des ténèbres. Ça vise al-Maghrib al-Isha. Et ensuite, lorsque Allah fait mention dans le verset de la longue récitation qui survient à l'aube, ça c'est une allusion à la prière d'Al-Fajr. Donc les cinq prières sont désignées, et en sont comprises dans ce verset. Et donc le prophète sallallahu alayhi wa sallam a été dirigé par Jibril alayhi salatu wa sallam dans le premier jour, au début des heures des prières. C'est-à-dire qu'il commença par la prière de Dhuhr. Il dirigea le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam dans la prière de Dhuhr suite au déclin du soleil. Puis il pria l'Asr au début de son heure, c'est-à-dire lorsque l'ombre de l'objet fait deux fois sa taille. Ensuite, il accomplit la prière de Maghrib juste après la disparition du disque solaire, c'est-à-dire lorsque le disque solaire disparaît à l'horizon. Ensuite, il a accompli la prière de l'Aïcha et dirigea le prophète sallallahu alayhi wa sallam dans la prière de l'Aïcha lorsque les lueurs rouges ont disparu du ciel, c'est-à-dire lorsque les ténèbres sont survenues complètement, le noir complet est arrivé. Ensuite, la prière d'Al-Fajr à la survenue de l'aube. Donc, Jibril salam, a dirigé le prophète sallallahu alayhi wa sallam, dans les cinq prières, que sont la prière de Dhuhr, Asr, Maghrib, l'Aïcha et Al-Fajr, et il les a accomplis au début de leurs heures. Ensuite, il fit de même avec ces prières-là. Il dirigea le prophète sallallahu alayhi wa sallam dans ces cinq prières le lendemain, mais dans des créneaux différents, c'est-à-dire à la fin de leur créneau, sauf pour le Maghrib qu'il fit au même moment. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam s'est vu instruit, il a reçu comme instruction de la part de Jibril que la prière se trouvait entre ces deux créneaux, c'est-à-dire les deux créneaux qu'il avait faits pour ses prières. Et donc, Allah subhanahu wa ta'ala a mentionné que la prière est une prescription, c'est-à-dire quelque chose qui est une obligation, prescrite et ordonnée aux croyants à des temps déterminés. Et donc, les prières qui sont légiférées à des temps particuliers, on ne peut pas les faire en dehors de leurs heures. Et il donne un exemple avec Ramadan. Si par exemple, quelqu'un accomplit le jeûne de Ramadan durant le mois de Charben. Le mois de Charben, note du traducteur, c'est le mois qui précède Ramadan. Donc, si quelqu'un fait le mois de Ramadan, il jeûne le mois de Ramadan avant Ramadan, un mois avant. son jeûne n'est pas valide. Ceci n'est pas accepté de sa part. Ou il donna un autre exemple parmi les exemples qu'il mentionna, avec le cas du Hajj. Si quelqu'un fait le Hajj, mais dans des périodes qui ne sont pas les jours du Hajj, dans lesquels il est légiféré de faire le Hajj, qu'il le fasse avant ou après les jours dans lesquels il est légiféré de faire le Hajj, son Hajj n'est pas valide. Donc, après, concernant la prière, si elle est sortie de son heure involontairement, de par une excuse, comme le sommeil ou l'oubli, alors la personne la rattrape. En vertu du hadith du messager d'Allah, sallallahu alayhi wa sallam, rapporté par Anas, dans lequel le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit, si une personne rate la prière, c'est-à-dire sort la prière de son heure, suite à un oubli ou à cause d'un sommeil, il la rattrape une fois qu'il s'en est rappelé. Et il y a un hadith concernant le sommeil également, yani corroborant le sujet du sommeil, comme quoi c'est une excuse concernant le fait de rater la prière. Ça peut être une excuse et qu'on peut rattraper la prière. Et c'est un hadith rapporté par Abu Qatada, radiallahu anhu, qui est rapporté dans le sahih de l'imam Muslim, dans lequel il rapporta que les sahaba, radiallahu anhu, étaient en compagnie du messager d'Allah, sallallahu alayhi wa sallam, en voyage, et ils furent fourbus, c'est-à-dire qu'ils étaient très fatigués, ils étaient exténués. Et donc, ils voulurent dormir, ils arrivèrent à leur endroit de repos, et ils voulurent dormir. Le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, ordonna à Bilal, radiallahu anhu, de rester éveillé et de réveiller le prophète, qu'il réveille le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, ainsi que ses compagnons pour la prière d'Al-Fajr. Et donc Bilal fit le guet, c'est-à-dire resta éveillé et veilla afin de pouvoir les réveiller. Cependant, durant sa veille, il finit par s'endormir. Donc au final, tous les sahaba se sont endormis et le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, s'est endormi également. Et ils se réveillèrent le lendemain matin, au matin, de par la chaleur du soleil. La chaleur du soleil les réveilla, c'est-à-dire qu'ils ont raté la prière d'Al-Fajr. La prière de Fajr était rentrée dans son heure et était sortie de son heure. Ils ont été réveillés par la chaleur, les effets du soleil, plutôt que par la chaleur, mais par les effets du soleil. Et donc, après s'être réveillés et s'étant rendu compte qu'ils avaient raté la prière, Bilal fit l'adhan. Ils firent leurs ablutions, Bilal fit l'adhan, et ils prièrent. Ils firent la prière. Et le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, a dit qu'il n'y a pas dans le sommeil de manquement. C'est-à-dire qu'il n'y a pas une faute dans le sommeil qu'ils ont eu. Cependant, la faute est dans le fait de retarder la prière jusqu'à ce que survienne la prière suivante. Et donc, le cheikh Ahmed Wadwurun, après avoir mentionné ce hadith, expliqua dans quel contexte le sommeil est une excuse. Il donna le cas d'une personne qui s'endort et qui s'endort avec l'intention de se réveiller pour prier dans son heure, pour prier la prière dans son heure, et qui fait les causes. C'est-à-dire qui fait les causes, par exemple, en sollicitant l'aide de quelqu'un pour qu'il le réveille, ou qu'il utilise les appareils électroniques que l'on a à notre époque pour se réveiller, un réveil électronique. Donc lui, il fait les causes, il dort avec l'intention de se lever pour faire la prière dans son heure, et il met des causes en place afin de s'assurer de pouvoir se réveiller et prier la prière dans son heure. Si lui dort d'un sommeil tellement profond qu'il rate la prière, lui, il est excusé. Il est excusé, il n'est pas dans le péché, il se lève et il rattrape sa prière. Cependant, celui qui dort, là, il aborde un deuxième scénario, celui qui s'endort, mais avec l'intention de dormir durant l'heure de la prière jusqu'à ce que la prière sorte de son âme. C'est-à-dire qu'il a la volonté de rater cette prière. Naam. Donc, il compte faire sortir la prière de son âme. Lui est celui qui est blâmable. Lui n'est pas excusé. Il est celui qui est blâmable. Après, est-ce qu'il rattrape sa prière? Il l'a ratée volontairement, c'est-à-dire il l'a laissé sortir de son heure, sciemment, volontairement. Mais est-ce que cette personne-là est concernée par le rattrapage? Est-ce qu'il rattrape la prière? Le jumhur des ulema, la majorité des ulema voient qu'effectivement, il rattrape la prière. Qu'effectivement, il doit rattraper la prière. Cependant, le cheikh Ahmed Badoukhoun Hafidahullah a mentionné un avis qui est différent, et c'est l'avis d'Ibn al-Qayyim et d'Ibn Taymiyyah, rahimahumullah, qui considèrent que la personne n'a pas à la rattraper, dans le sens où il est pécheur et il ne peut pas la rattraper. Car le rattrapage de la prière a été mentionné dans les textes dans le cadre d'une personne qui est excusée. C'est-à-dire qu'il rattrape car il a une excuse légitime l'ayant empêché de prier la prière dans son âme. Donc le rattrapage a été légiféré par rapport à une personne qui est dans un contexte où il est excusé. Il a une excuse. Tandis que ce cas-là qui a été mentionné n'est pas un cas dans lequel la personne est excusée. Il n'a pas d'excuse, car c'était un délaissement volontaire. Il a agi de la sorte, de façon consciente, et il a fait ça sciemment. Non. Ensuite, le cheikh aborda la huitième condition que nous allons aborder en partie et nous poursuivrons dans le cours de lundi, inshallah ta'ala. Étant donné que la traduction nous prend un peu plus de temps que prévu, nous poursuivrons, inshallah, ce séminaire lundi, mardi, mercredi, inshallah, afin de conclure la traduction et compléter la traduction de l'allocution de notre noble cheikh, hafidhahu ta'ala. Donc, je vous annonce qu'il y aura cours le lundi, le mardi et le mercredi de cette semaine sur les conditions de la prière, ses piliers et ses obligations. Et le cours aura lieu à 18h heure française, inshallah. Non. Donc, nous allons aborder partiellement la condition numéro 8, à savoir le fait de s'orienter vers la Qibla. Istiqbal al-Qibla. Donc, c'est la huitième sur les neuf conditions de la prière. Et donc, istiqbal al-Qibla, c'est une condition de validité de la prière. Et ça implique de s'orienter vers la Qibla, c'est-à-dire vers la Mecque. Non. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam a écrit et a décrit la manière dont on s'oriente vers la Qibla. Et ceci a été ordonné dans le Coran. C'est-à-dire, dans le Coran al-Karim, le cheikh a fait la mention du verset de Sourate al-Baqarah, le verset 144, dont le sens approximatif en français est le suivant. Certes, nous te voyons tourner le visage en tous sens dans le ciel. Nous te faisons donc orienter vers une direction qui te plaît. Tourne donc ton visage vers la mosquée sacrée. Où que vous soyez, tournez-y vos visages. Certes, ceux à qui le livre a été donné savent bien que c'est la vérité venue de leur Seigneur. Et Allah n'est pas inattentif à ce qu'ils font. Et ceci est le verset. C'est un verset qui établit l'obligation, le caractère, yani de condition de la prière concernant le fait de s'orienter vers la Qibla pour la prière. Et dans la Sunna, il fut rapporté par Abu Sa'id al-Khudri, radiallahu anhu, qu'il fut mentionné dans un hadith que ce qui est entre l'Est et l'Ouest est une Qibla. C'est-à-dire que c'est une direction vers laquelle on s'oriente pour la prière. C'est-à-dire ce qui est entre l'Est et l'Ouest, faisant référence ici au sud. Pourquoi? Car la ville de Médine, ce hadith a été émis, c'est une parole du prophète sallam qui a été émise à Médine. Or, Médine est au nord de la Mecque. Donc, c'est-à-dire que Médine, par rapport à la Mecque, Médine est au nord de la Mecque. Donc, ça veut dire que la Mecque, vers laquelle ils doivent s'orienter pour faire la prière, est au sud. Donc, nous avons quatre directions: le nord, le sud, l'est et l'ouest. Donc, étant donné que Médine est au nord de la Mecque, le fait de s'orienter vers le sud est la direction de la Qibla pour les gens de Médine, pour les Médinois. Et c'est pour cela que le prophète sallallahu alayhi wa sallam avait dit que ce qui est entre l'est et l'ouest est une Qibla, c'est-à-dire dans le sens le sud. Et donc, il est demandé de s'orienter vers cette direction, vers le sud. Et la légère digression, c'est-à-dire le fait de se décaler un petit peu, de ne pas être parfaitement vers la direction de la Mecque, ce n'est pas un problème. Quand on est loin de la Mecque, quand on est dans la mosquée sacrée, on doit viser la Kaaba. C'est-à-dire que lorsqu'on est dans la mosquée sacrée, on est devant la Kaaba, on voit la Kaaba, on doit s'orienter vers elle de façon précise. Mais lorsqu'on est en dehors, on est loin de la Mecque, on s'oriente dans la direction nord, sud, est, ouest, par rapport à selon le pays dans lequel on réside. Car certaines personnes, si, et justement le cheikh a donné un exemple, si toi, la Mecque se trouve à l'est par rapport à toi, tu te tournes vers l'ouest, vers l'est. Tu te tournes vers l'est, de façon générale, la direction de l'est. La Qibla pour toi, c'est ce qui est entre le nord et le sud, c'est-à-dire l'est. Pour les gens qui vivent dans cette partie du monde. Et il mentionna un point important concernant l'exagération de certains individus qui sont à présent munis d'appareils qui donnent la direction de la Qibla avec les appareils électroniques. Et il rentre avec ses appareils électroniques dans une mosquée et il voit qu'il à 1 degré près, à 5 degrés près, à 10 degrés près, la mosquée, elle n'est pas dans la direction de la Qibla. Il dit, cette mosquée, elle n'est pas dans la bonne direction. Cette parole-là est nulle, vaine, non avenue. Et si une personne, par exemple, si la mosquée est légèrement en digression, c'est-à-dire qu'elle n'est pas exactement à 1 degré ou à quelques degrés près en direction de la Kaaba, tu pries dans, yani si tu pries dans le sens d'aller de cette mosquée-là, donc tu, justement, volontairement, tu dévies légèrement de la direction exacte de la Qibla, il n'y a aucun problème à cela, ta prière est valide. Parce que ce qui est demandé, ce n'est pas de prier au degré près. Ce qui est requis du serviteur, c'est de prier dans cette direction, vers cette direction. Soit le nord, soit le sud, soit l'est, soit l'ouest, selon la partie du monde dans laquelle tu résides. Et par contre, si une personne change de direction, c'est-à-dire change totalement de direction, et prie une prière dans une direction totalement différente de la Qibla, sa prière est invalide. Cependant, il fait une distinction entre deux circonstances. Dans le cas où quelqu'un fait cela involontairement, il y a deux scénarios qu'il a mentionnés. C'est-à-dire, il mentionna deux scénarios, deux circonstances, dans lesquelles la personne prie dans une direction autre que celle de la Qibla, mais involontairement. Et il mentionna le cas de la en résidence et le cas en voyage. C'est-à-dire, il expliqua que lorsque quelqu'un est en résidence, c'est-à-dire qu'il est dans un endroit où il y a des habitations, il y a des gens. Donc il a des moyens de pouvoir se renseigner. Il peut demander aux gens où est la Qibla. Il peut s'en informer. Soit il va demander aux gens dans une mosquée, donc il rentre dans une mosquée et cette ville, c'est pas la sienne, par exemple. Mais il est dans un endroit de résidence. Soit il demande où est la Qibla aux gens dans la mosquée, ou alors il se renseigne avec le mihrab. C'est-à-dire, le mihrab, c'est la niche. Note du traducteur, le mihrab, de nos jours, ça désigne la partie concave, la partie creusée, dans laquelle, en général, l'imam peut mettre sa tête ou son buste ou carrément mettre tout son corps lorsqu'il dirige les gens à prier. Cette partie de la mosquée, qui est concave et qui est faite pour l'imam, permet à une personne qui rentre dans une mosquée qui est vide de savoir où se trouve la Qibla. Donc, la personne n'a pas le droit de faire un ijtihad, d'essayer de deviner comme ça de lui-même. Il se dit, bon, j'espère que c'est par là, et il prie comme ça. Lui, il n'est pas excusé, parce qu'il est dans un endroit de résidence. C'est-à-dire qu'il peut demander à des gens, il peut se renseigner auprès des gens, il peut regarder dans les mosquées où se trouve le mihrab pour avoir des moyens de se repérer, pour savoir où est la Qibla. Et si lui ne fait pas cet effort-là, et donc il prie vers une direction, il se dit, peut-être c'est la Qibla, je ne sais pas vers où elle est, et il fait comme ça alors qu'il est dans un endroit où il y a des résidents, il y a des gens qui peuvent le renseigner, où il peut se renseigner, et qu'il prie la prière dans une direction qui est autre que celle de la Qibla, sa prière n'est pas valide. Ça, c'est le premier cas, la première circonstance. La deuxième circonstance que le cheikh a mentionnée, c'est dans le cas où une personne prie, mais en voyageur, dans une direction qui est autre que celle de la Qibla. Malgré lui, c'est-à-dire que c'est une personne qui est en voyage, et il n'a personne avec lui, autour de lui, avec lui, pouvant lui permettre de se repérer. Il n'a pas les moyens, il n'a pas les capacités de se repérer pour savoir où est la Qibla. Et donc, la personne fait un ijtihad, c'est-à-dire qu'il essaye de deviner où se trouve la Qibla et il fait selon son estimation et il prie. S'il se rend compte plus tard qu'il a prié cette prière-là, dans une prière qui est peut-être même en donnant le dos à la Qibla, sa prière est valide. Car il est en voyage. Il est légitime. Il est dans le cadre dans lequel il a une excuse. Il n'avait pas les moyens, il a fait ce qu'il pouvait, il a fait une estimation et il a prié dans une direction qu'il a espérée ou qu'il estimait être la Qibla selon son effort pour parvenir à la direction de la Qibla. Et s'il s'est avéré qu'il a prié dans une direction autre que celle de la Qibla, fasalatuhu, sa prière est donc valide. Non. Et nous poursuivrons, inshallah, dans le tafsir concernant ce sujet-là et nous poursuivrons dans cela lundi. Lundi, donc, inshallah ta'ala, lundi, c'est-à-dire demain, mardi, après-demain et le jour suivant, le mercredi, seront les 3 derniers jours de ce séminaire que nous prolongeons dans quelques jours afin de pouvoir parvenir à la traduction de l'explication de notre noble cheikh concernant l'épître de l'imam Mohammed Abdelhab, rahimahullah, sur shurut salah. Si vous avez la moindre question concernant ce qui est transmis et enseigné dans nos cours, et que vous voulez que vos questions soient présentées au cheikh, n'hésitez pas à contacter les responsables du Merkez et l'imam Al-Shafi'i, soit en contactant les responsables par l'adresse mail du Merkez, en les contactant sur les réseaux sociaux ou sur le site du Merkez directement. Hada wa subhanakallahumma wa bihamdik, ashhadu an la ilaha illa ant, astaghfiruka wa atubu ilayk, wassalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh.